Quelqu'un devient le premier homme sorti d'une autre forme. La terre lui fournit un visage, la lune lui donne son langage. S'il pouvait voir le premier ciel, ça peut tout mélanger à la première lueur d'aimer. Ça reste toujours bien fermé quand tout le reste part. C'est toi qui prends le courant, c'est toi le courant d'air, c'est toi qui cours en soufflant plein un peu, on a besoin d'eau. C'est toi qui monte le courant, c'est toi qui prends le bateau, c'est toi qui sors en plein vent, brûle un peu, joue avec le feu. C'est toi qui allume le courant, c'est toi qui prends le feu.